Deutéronome chapitre 17, tu ne sacrifieras à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni brebis ou chèvre qui ait en soi quelque tare, ou quelque défaut, car c'est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Quand il se trouvera au milieu de toi dans quelqu'une de tes villes que l'Éternel ton Dieu te donne, soit homme ou femme qui fasse ce qui est odieux à l'Éternel ton Dieu, en transgressant son alliance, et qui aille, et serve d'autres dieux, et se prosterne devant eux, soit devant le soleil, ou devant la lune, ou devant toute l'armée du ciel, ce que je n'ai pas commandé, et que cela t'aura été rapporté, et que tu l'auras appris, alors tu t'en enquerras exactement, et si tu trouves que ce qu'on a dit soit véritable, et qu'il soit certain qu'une telle abomination ait été faite en Israël, alors tu feras sortir vers tes portes cet homme ou cette femme, qui auront fait cette méchante action, cet homme, dis-je, ou cette femme, et tu les assommeras de pierres, et ils mourront. On fera mourir sur la parole de deux ou de trois témoins, celui qui doit être puni de mort, mais on ne le fera pas mourir sur la parole d'un seul témoin. La main des témoins sera la première sur lui pour le faire mourir, ensuite la main de tout le peuple, et ainsi tu ôteras ce méchant du milieu de toi. Quand une affaire te paraîtra trop difficile, pour juger entre meurtre et meurtre, entre cause et cause, entre plaie et plaie, qui sont des affaires de procès dans tes portes, alors tu te lèveras, et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, et tu viendras aux sacrificateurs qui sont de la race de Lévi, et au juge qui sera en ce temps-là, et tu les interrogeras, et ils te déclareront ce que porte le droit. Et tu feras de point en point, ce qu'ils t'auront déclaré du lieu que l'Éternel aura choisi, et tu prendras garde à faire tout ce qu'ils t'auront enseigné. Tu feras de point en point ce que dit la loi qu'ils t'auront enseigné, et selon le droit qu'ils t'auront déclaré, et tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils t'auront dit. Mais l'homme qui agissant fièrement n'aura point voulu obéir au sacrificateur, qui se tiendra là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou au juge, cet homme-là mourra, et tu ôteras ce méchant d'Israël. Afin que tout le peuple l'entende et qu'il craigne, et qu'à l'avenir il n'agisse point fièrement. Quand tu seras entré au pays, que l'Éternel ton Dieu te donne, et que tu le posséderas, et y demeureras, si tu dis, j'établirai un roi sur moi, comme toutes les nations qui sont autour de moi, tu ne manqueras pas de t'établir pour roi, celui que l'Éternel ton Dieu aura choisi, tu t'établiras pour roi un homme qui soit d'entre tes frères, et tu ne pourras point établir sur toi un homme, qui ne soit pas ton frère. Seulement il ne fera point un amas de chevaux, et il ne ramènera point le peuple en Égypte pour faire un amas de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez jamais plus dans ce chemin-là. Il ne prendra point aussi plusieurs femmes, afin que son cœur ne se corrompe point, et il ne s'amassera point beaucoup d'argent, ni beaucoup d'or. Et dès qu'il sera assis sur le trône de son royaume, il écrira pour soi dans un livre un double de cette loi, laquelle il prendra des sacrificateurs qui sont de la race de Lévi. Et ce livre demeurera par devers lui, et il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, et à prendre garde à toutes les paroles de cette loi, et à ses statuts, pour les faire. Afin que son cœur ne s'élève point par-dessus ses frères, et qu'il ne se détourne point de ce commandement ni à droite ni à gauche, et afin qu'il prolonge ses jours en son règne, lui et ses fils, au milieu d'Israël.